Chapitre 10e. Le Tuera. Thom Twigg montrait au prince un bout de fil noir qui pendait le long du mur. Ce fil était un témoin. Après chaque passage de Zigomar, de ses assesseurs, on tendait ce fil très mince, noir et absolument invisible dans la pénombre, même sous la clarté de la lampe, d'un rat de cave, d'une ampoule, de petites lampes électriques. Il était tendu à hauteur de la ceinture, en travers du petit chemin, de chaque côté. On ne pouvait donc passer par là pour entrer dans la cave, sans le casser, sans briser ce témoin, sans laisser la preuve de son passage. Donc, conclut Thom Twigg, c'est par ici que Paulin Broquet est entré. D'où, ajouta le prince, il nous est possible de présumer que s'il a vu le docteur Hooger, c'est bien par le plus grand des hasards. Dont il profitera, mon cher, soyez-en certain. Thom Twigg conclut. Maintenant, il n'y a plus à hésiter. Il faut absolument nettoyer cet homme. C'est mon avis. Nous avons des projets. Nous avons des plans bien établis qui doivent réussir et nous dédommager grandement des échecs passés. Cet homme seul nous arrête, nous retient. Il détruit nos meilleures combinaisons. Cela ne peut durer. Oui, déclara le prince. Ou la mort de Paulin Broquet, ou la fin de Zigomar. Thom Twigg reprit. Il est probable que Paulin Broquet, maintenant qu'il est sur la piste du docteur Hooger, ne s'en tiendra pas là, qu'il va le poursuivre et essayer un de ses coups qui lui sont chers. Nous allons dès maintenant lui casser les pattes. Je vois votre idée, mon cher ami. Paulin Broquet, pour venir voir ce qui se passe chez le docteur, a deux chemins. Celui de tout le monde, la porte, et l'autre, celui-ci. Oui ? Nous ne pouvons savoir quel est celui qu'il choisira quand il reviendra, car il reviendra, c'est certain. S'il ne devait pas revenir, il ne se serait pas donné la peine de chercher ce chemin et d'ouvrir les portes de la cave des catacombes. En effet, nous devons donc lui enlever l'envie de revenir. Il est probable, dit le prince, que Paulin Broquet ne pourra soupçonner, ne connaissant pas le témoin, le fil, que nous savons quel chemin il a pris. Il va penser que nous supposons qu'il est venu par la porte de la rue. Je le crois également. Donc c'est ici que nous devons le pincer. Nous allons lui préparer le tuera. Préparons. Le prince Grégoriski et le docteur Hooger, alors, perdant aussitôt tout ce qui faisait pour l'un la morgue du gentilhomme, pour l'autre la gravité du savant, mirent promptement habit bas et retroussèrent leurs manches. Puis, ils soulevèrent le porte-bouteille qui était appuyé au mur. Derrière ce porte-bouteille et formant une fausse paroi se trouvaient plusieurs planches. Ils les enlevèrent de là et les transportèrent dans le petit chemin qui partait de la porte secrète. Ces planches, longues de près de 2 mètres, larges 1 mètre environ, étaient recouvertes de terre et de plâtras, comme le sol du souterrain et le mur de la cave. On eût dit vraiment, un morceau de terrain, un pan de mur. Il était absolument impossible, sans y prêter grande attention, de les distinguer, quand l'une des planches était mise par terre, l'autre contre le mur. Pour en arriver à cette vérité de décor, tout simplement on avait enduit les planches de colle forte, et sur cette colle, on avait jeté de la terre prise à même le sol et du plâtre comme si l'on avait crépi un pan de mur. Le temps, l'humidité avaient fait le reste et contribué à la ressemblance absolue avec le sol véritable et le mur de la cave. Le prince et le docteur prirent, l'un la planche imitant le mur, l'autre celle représentant le sol, et au moyen d'une charnière, les assemblèrent par l'un des bouts. Ils y adaptèrent un puissant ressort à boudin en acier que, non sans peine, ils parvinrent à armer. Puis ils firent manœuvrer l'appareil plusieurs fois. Avec une burette, ils y injectèrent de l'huile. L'appareil fonctionna admirablement. Il formait en quelque sorte comme une mâchoire immense de crocodile, qui se fermait avec une vitesse très grande, une puissance irrésistible. C'était bien là, comme le prince l'avait tout à l'heure nommé, un tuera de dimension colossale. Un assommoir pour rat géant, fantastique, rat de cauchemar, ayant la taille d'un homme. Toutefois, cela ne parut pas suffire aux deux amis. Ils ouvrirent encore une fois ce tuera, maintinrent les formidables mâchoires au moyen d'une barre de fer. Puis, d'une caisse qu'ils tirèrent du tas de débris de toutes sortes placés devant le petit chemin qu'ils allaient ainsi défendre, ils sortirent des lames de baïonnettes réformées. Ces baïonnettes étaient munies à leurs talons d'un pas de vis qui s'adaptait à un écrou dissimulé dans la terre ou le plâtras des planches. Ces lames vissées se plaquaient le long des parois dans des rainures de terre et de plâtras, et comme elles étaient rouillées ou passées au blanc, elles disparaissaient absolument et contribuèrent à former un engin des plus redoutables. Par elles, ces mâchoires s'ornaient de dents qui devaient tout transpercer. Quand l'appareil était armé, les baïonnettes allongées disparaissaient. Mais quand le déclic jouait, quand les mâchoires fonctionnaient, les baïonnettes se dressaient et s'entrecroisaient comme des dents de requin. C'était épouvantable, terrifiant. Le prince et le docteur armèrent ainsi de turas deux mâchoires. Ils les placèrent sur chacune des allées du petit chemin, de chaque côté de la porte de briques venant du souterrain et donnant dans la cave. Vraiment, il était impossible, en pénétrant par la porte de briques, très basse, comme nous le savons, et très étroite, de les apercevoir, de se douter même de leur présence. Ayant ainsi préparé leur double piège, leur tura, le docteur Auger et le prince Grigoriski remirent leurs habits et se dirigèrent vers la porte. Le prince, avant de sortir de la cave, se tourna vers les pièges. Faisant un salut à un être imaginaire, il dit en riant « À bientôt, mon cher Paulin Broquet. Au bon chat que vous êtes, les bons rats que nous sommes !»